nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Apprends à pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Laisse-moi te dire que le mal qu'ils ont médité de te faire a concouru aujourd'hui à ton élévation. Tu es comme Joseph dans ta famille. Les membres de ta famille t'ont persécuté. Les proches t'ont persécuté. Mais Dieu va changer cela pour ton élévation. Et ceux-là qui t'ont combattu, ils viendront bientôt se prosterner à tes pieds lorsqu'ils verront l'élévation de Dieu. Mais il faut leur pardonner. Dieu veut t'utiliser aussi pour leur bénédiction. Alléluia. Relève-toi. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB. Opération sous la brèche. Apocalypse 5, 1 à 14, c'est notre passage du jour. Nous allons lire notre texte d'aujourd'hui, c'est Apocalypse 5, 1 à 14. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Les quatre êtres vivants disaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité concerne tous ceux qui pleurent. Je veux parler à une jeune fille. Tu pleures parce que tu n'as personne pour payer tes études. Tu pleures parce que tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère. Il n'y a personne qui s'occupe de toi. Oui, on veut te chasser, on t'a déjà chassé de ton école. Et tu as envie maintenant de suivre des amis qui te disent, il faut chercher un copain. Je parle à quelqu'un, tu pleures parce que tu as des dettes. Tu ne sais pas comment nourrir ta famille. Tu ne sais pas comment nourrir tes enfants, la vieille. Tu pleures parce que tu ne sais pas comment payer tes dettes. Tu ne sais pas comment faire parce que tu vis des moments difficiles. Tu es même malade. Les médecins te disent que si tu n'as pas l'argent, tu risques de mourir. Tu ne vas plus faire 3 mois parce que les produits que tu dois prendre sont extrêmement chers. On doit même te faire une opération. Il n'y a personne pour te venir en aide. Je vais te dire, ne pleure point. Il y a quelqu'un qui est capable de te venir en aide. Oui, souvent nous vivons des difficultés où nous ne voyons personne qui peut nous aider. Tu regardes parmi tes amis. Il n'y a personne. Tout le monde t'a abandonné. Tu regardes parmi tes parents. Personne ne peut te venir en aide. Même si dans ta famille, tu as même un député. Oui, il est parent, mais il est proche de toi. Mais tu l'as sollicité pour ton problème. Mais il n'a pas résolu ton problème. Sache que le Seigneur permet ces choses afin que tu saches que c'est lui qui est la solution. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais lui ne peut pas t'abandonner. Vous voyez ici, Jean a vu une vision autour du trône. Il a entendu une voix forte qui dit, « Qui est digne d'ouvrir les livres de vie et d'en rompre les sceaux ?» Les livres de vie, c'est les livres des destins de l'humanité. C'est-à-dire, si ces livres restent scellés et que personne ne l'ouvre, c'est la destinée de toute l'humanité était hypothéquée. Personne ne pouvait être sauvé. Et le texte dit, « Et il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui fut trouvé digne d'ouvrir les livres. » Et quand Jean a vu ça, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Oui, c'est comme toi, tu pleures, parce que personne ne peut t'assister dans ton problème. Tout le monde t'a abandonné parce que tu souffres d'une maladie contagieuse. Personne ne peut t'aider. Tes proches parents même t'ont renié et tu pleures beaucoup. Je vais te demander, oui, d'essuyer tes larmes parce que il y a quelqu'un qui est capable d'essuyer tes larmes. Il y a quelqu'un qui est capable d'intervenir. La deuxième vérité concerne la révélation de Jésus-Christ. La révélation de celui qui est capable de résoudre ton problème. Là où les hommes de ce monde ne peuvent rien faire. Il y a une révélation ici. Jean nous le présente avec 4 vérités. La première vérité, c'est que c'est Jésus qui est le seul qui fut trouvé digne d'ouvrir les livres de vie et d'en rompre les sceaux. Là où les hommes, là où les anges ne pouvaient rien faire, c'est lui seul capable. On dit, c'est pourquoi il est dit ici, verset 2, « J'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir les livres des vies et d'en rompre les sceaux ?» Le verset 5 dit, « Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. » Nous voyons ici, l'un des titres de Jésus, il s'appelle les lions de la tribu de Juda. Vous savez, le lion, c'est le roi des animaux. Quand on présente Jésus comme le lion de la tribu de Juda, ça symbolise la royauté, sa royauté, sa toute puissance. Il n'y a aucune force qui peut lui résister. Les puissances sataniques, ce qu'on appelle les génies, ce qu'on appelle les puissants des sirènes des eaux, le mari des nuits, ne peuvent résister devant celui qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Je vais parler à une dame. Oui, la nuit, tu fais des cauchemars. Tu vois, il y a des animaux qui viennent pour te déchirer. Tu vois, il y a certains animaux qui viennent avec les visages des chiens, d'autres avec d'autres animaux féroces. Tu vois un serpent venir te mordre. Mais sache que tu as quelqu'un. Tu as celui qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il faut invoquer le lion de la tribu de Juda. C'est un nom de Jésus. On l'appelle de la tribu de Juda parce que sur le plan humain, il était de la tribu de Juda. Quand vous lisez le livre de la Genèse, quand Jacob était en train de bénir ses enfants, lorsqu'il bénissait Judas, il a dit « Judas est comme un lion ». Il a dit « Le sceptre de la royauté ne s'éloignera point de Judas ». C'était une bénédiction prophétique qui faisait allusion à Jésus. Parce que, étant de la tribu de Judas, il allait être le roi qui va régner au siècle des siècles. L'autre nom de Jésus ici, il s'appelle le rejeton de David. C'est-à-dire, il était de la postérité de David. Ce rejeton que les gens ont rejeté. La Bible nous dit qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce rejeton qui peut pousser partout où il se trouve. Jésus est le rejeton. Cette souche qui peut toujours pousser. Le rejeton de David. Oh, je vais parler à quelqu'un. Peut-être que toi-même, tu te sens rejeté dans la société. Tu te sens rejeté même là où tu travailles. Tu te sens rejeté par les membres de ta famille. Sache que Jésus a été rejeté avant toi. Mais toutes ces souffrances étaient nécessaires avant qu'il n'entre dans la gloire. Tu peux aussi passer par là. Jésus est le rejeton de David. La troisième chose, toujours sur Jésus, c'est qu'il a vaincu pour ouvrir les livres de vie. Pour ouvrir les livres de vie, il fallait être vainqueur. Il a vaincu quoi? Il a vaincu Satan sous la croix de Golgotha. Dans Colossiens 2, verset 15, il est dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce qu'il a vaincu? Il a vaincu ensuite la mort. Il est sorti du tombeau. Il était impossible que les liens de la mort le retiennent du tombeau. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Qu'est-ce qu'il a vaincu encore? Il a vaincu les péchés. Il a été tenté en toutes choses. Il n'a jamais commis de péché. Et enfin, il a vaincu le monde. Il a vaincu les tribulations de ce monde. C'est pourquoi il pouvait dire, vous aurez des tribulations dans ce monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est celui-là qui a vaincu pour ouvrir les livres de vie et d'en rompre les sceaux. Il n'y a personne d'autre qui peut réunir toutes ces conditions. Seul Jésus. C'est pourquoi tu ne dois plus pleurer. Parce que lui, il a vaincu. Si tu es combattu par les puissances sataniques, tu es oppressé par les sorciers, j'aimerais te dire, ne pleure plus. Il y a celui-là qui s'appelle les lions de la tribu de Juda. Celui qui a vaincu. Il est ta victoire. Il est capable de te tirer de cette situation. Et il s'appelle l'agneau de Dieu. L'agneau qui était immolé. L'agneau se réfère à son sacrifice sur la croix. Celui qui était immolé, il a versé son sang pour te racheter de toute vaine manière que tu as hérité de tes parents. Troisième vérité, c'est que Jésus est digne de recevoir l'adoration au même titre que le Père. Ça montre la divinité de Jésus. Il y a des gens qui disent, non, celui qui nous adorons, c'est seulement c'est le Père. Jésus n'est pas Dieu. Écoutez bien, regardez ici. Ah, c'est lui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire c'est Dieu le Père. Et à l'agneau aussi. Vous voyez, le deux. Il est digne de recevoir la louange d'adoration. Il est dit au verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Donc, ça, c'est une prière qui est adressée à Jésus. Et le verset 13 dit, et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la mer, et tous ceux qui se trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Vous voyez, le deux, le Père qui est assis sur le trône et l'agneau de Dieu Jésus. Ils sont dignes, on dit, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et nous voyons ici trois raisons majeures qui devraient nous pousser à adorer Jésus en tant qu'agneau de Dieu. Premièrement, il est dit, tu as été immolé, verset 9. C'est-à-dire, il s'est sacrifié pour nos péchés. Deuxièmement, on dit, il a racheté pour Dieu les hommes de toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple. Vous voyez, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas un peuple que Jésus a exclu. Non, tous ceux qui croient en lui, il a racheté les hommes de toutes langues. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir des barrières ethniques, les barrières raciales, les barrières linguistiques, les barrières des nationalités. Jésus a racheté les hommes de tout peuple, de toute langue. Et troisièmement, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Vous voyez, lorsque nous sommes rachetés par Jésus, nous faisons partie des sacrificateurs, ceux-là qui peuvent intercéder, entrer dans la présence de Dieu, sans intermédiaire. Et nous sommes appelés à régner, c'est-à-dire nous sommes des rois, un royaume. Nous sommes appelés à régner. Alléluia. Je voudrais que nous puissions le louer en chantant ces cantiques. Gloire au Dieu des armées. Gloire à celui qui est assis sur le trône de gloire. Celui devant lequel les archanges, les chérubins, les séraphins se prosternent et disent qu'il est trois fois saint. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage.

Peut-être que toi qui pleures, je ne sais pas quel est ton problème. Tu vas prier pour que le Seigneur puisse essuyer tes larmes. Tu vas prier pour que Dieu te fortifie. Tu vas prier pour tous ceux qui pleurent ce matin parce qu'ils ils traversent des moments difficiles pour lesquels ils ne trouvent personne pour leur venir en aide. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Ô tendre Père, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, dans une terre desséchée, dans une terre sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance, pour voir ta gloire. Ce matin, Père éternel, tout en exprimant ma reconnaissance pour tous tes bienfaits, je me tourne vers toi, ô Père éternel, et je prie pour tous ceux qui sont dans l'abattement en ce moment. Je prie pour tous ceux qui sont dans des tribulations, ceux qui souffrent en ce moment, ceux qui ont l'impression qui n'ont aucune aide, qui n'ont aucun secours. Mais, ô toi, Dieu, nous savons que tu es le secours de ceux qui sont dans l'abattement. Tu es le secours de ceux qui se tournent vers toi. Je prie ce matin, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, pour tous ceux qui pleurent, pour tous ceux qui sont dans la détresse, viens à leur secours. Viens à leur secours avec ta consolation. Viens à leur secours avec ta restauration. Viens à leur secours avec ton élévation. Mais un nouveau sourire sur leurs lèvres, ô Père éternel. N'abandonne pas tes enfants qui se tournent vers toi, parce que à ceux qui se tournent vers toi, tu fais rayonner ta joie sur leur visage, et leur visage ne se couvre pas de honte. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants, pour la joie que tu donnes, pour la paix que tu donnes, pour l'assurance que tu donnes et pour la restauration que tu donnes. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que Jésus est celui qui a vaincu. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. Tu vas prier, peut-être que tu connais des combats ces derniers temps, des forces des ténèbres t'accablent, tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu connais des oppressions dans ta maison, tu connais des oppressions dans ton foyer, tu connais des oppressions dans ton commerce, dans tes affaires. Tu vas prier pour que celui qui s'appelle le lion de la tribu de Juda vienne combattre en ta faveur, et en son nom, tu vas faire reculer toutes ces forces des ténèbres, et tu les déclares qu'ils sont vaincus au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que tu nous informes dans ta parole. Quand nous la lisons tous les jours, tu nous parles, tu nous instruis, tu nous révèles des choses cachées. Gloire te soit rendue à jamais. Parce que tu as dit dans ta parole, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre le pouvoir des dominations maléfiques, des autorités ténébreuses, des esprits méchants dans les lieux célestes et des pouvoirs des princes de ce monde des ténèbres. Oui, Seigneur, ils nous combattent et veulent qu'on perde la foi, qu'on ne serve pas Dieu, mais nous avons décidé de te servir, de te louer, de te célébrer, d'investir dans ta maison. Donne-nous la force à résister à l'ennemi de nos vies, à l'ennemi de l'Église, à l'ennemi des enfants de Dieu. Nous avons besoin de ta force. Remplis-nous de ton esprit. Nous couvre-nous du sang de l'agneau. Que tes anges nous accompagnent. Qu'on soit toujours dans ta présence, dans la prière. Avoir l'épée de l'esprit en main qui est la parole. Et nous a résisté parce qu'il veut détruire nos foyers. Il veut détruire tous les biens que tu nous donnes. Il veut détruire notre vie. Seigneur, donne-nous la victoire. Merci ce matin. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous venons de voir que Jésus est digne de recevoir l'adoration. Parce qu'il a été immolé. Il nous a rachetés. Par son sang, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Tu vas proclamer ton titre de racheté. Peut-être que dans ta famille, il y a la sorcellerie qui règne. Peut-être que dans ta famille, on dit personne ne peut se marier. Personne ne peut réussir. Parce que dans ton ethnie, il y a des blocages à tel niveau. Mais toi, tu vas dire que tu es racheté. Ces choses n'ont plus d'influence sur ta vie parce que Jésus t'a racheté de toutes ces vaines manières que tu as héritées de tes parents. Prie le Seigneur maintenant et refuse ces mauvais héritages au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth qui nous a rachetés. Gloire au ressuscité. Gloire à celui qui a versé son sang et qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance ennemie. Père, merci parce qu'en Christ, par la rédemption, nous sommes nés pour réussir. Nous sommes nés pour nous marier, pour avoir des enfants, pour avoir une postérité en Jésus-Christ. La vaine manière de vivre, les liens parentaux sont tombés et tombent maintenant dans la vie de quelqu'un. En Jésus-Christ, les liens de célibat, les liens de stérilité, les liens de non-accomplissement sont maintenant effacés au nom de Jésus-Christ. Nous brisons tout joug d'enchantement qui parle contre nous. Nous annulons tous les décrets sataniques qui encore aujourd'hui agissent dans nos vies. Nous proclamons la défaite du diable au nom de Jésus-Christ. Et je prophétise maintenant par l'onction du Saint-Esprit que quelqu'un est libéré de cette maladie parentale. Quelqu'un est libéré de cette maladie, oui, venant de la lignée de sa mère. Quelqu'un est libéré de tout lien au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un entre maintenant dans son domaine d'activité et ses affaires progressent, sa carrière progresse. Aujourd'hui, quelqu'un est libéré et reçoit sa promotion. Aujourd'hui, quelqu'un est guéri, libéré, restauré, transformé. Christ, notre Dieu, bénit quelqu'un et visite quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que les tickets bonheur conjugal pour le dîner sont là. Viens à la réception des fréquences vie. Notre dîner sera à l'hôtel Bellecote ce samedi 29 janvier 2016 à partir de 18h30. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la appui.